Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? En fait, il faudrait que tu mettes. Allô? Mais j'ai pas de casque. En fait, il faudrait que tu mettes un casque. Mais j'ai pas de Je sais pas, casque. genre. Des écouteurs, genre, t'as pas? Ouais, ok. J'ai pas de Bon, casque. attends. Attends, mais c'est quoi ces trucs là? Attends, en fait il faut qu'on ferme Skype. Je ferme Skype, attends. Allô? Ouais, dis-moi si tu m'entends. On s'entend là. Attends, là j'entends plus rien. Allô? Oui, je t'entends. Allô? Là, je t'entends plus. Je t'entends plus là. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oh, tu me fais perdre mon temps là, hein? Ah, tu m'entends? Ah, maintenant je t'entends. Fait, ouais, normalement on a une mesure de décalage en fait là. C'est bien ce que Je je me permets disais de parce que je jouer. m'entends en retard là. Mais dans, même mute. Tu vois, dans local channel. Tu mets mute. Oh, tu me fais perdre mon Ouais. temps là. Quoi? Ouais, c'est fait. Ah, maintenant je t'entends. Ouais. Parce que je me disais, parce que je m'entends en retard là. Putain, hey, mais il y a trop de retard là. Hein. J'entends ce que j'ai dit il y a au moins 30 secondes. Non mais c'est nul là. Ouais, toi tu m'en. Attends. Attends, comment on peut expliquer? Oui, mais il y a une mesure, c'est fait exprès pour pouvoir jouer, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour parler en fait. Mais c'est pas pratique ce truc alors. Si tu joues, il faut. C'est fait pour parler, c'est fait pour jouer. C'est pas pratique. Mais Tu il faut m'entends un là? casque en fait, c'est ça le truc. Tu m'entends? Je vais pas jouer fort. Mais si, mais c'est en fait c'est fait pour. Regarde, attends. On va aller dans un autre serveur et tu vas voir comment ils font les gens. Déconnecte-toi. Ouais, je t'entends. Mais c'est pas fait pour parler, je te dis. Mais c'est fait pour avoir de l'attente.